Ah mon Jojo, ah mon caca, ah ma caca, bon, ah mes amis, je le savais, les jeunes sont tous des cons. Ah, hier soir, j'étais tranquille, allongé, à poil, sur un banc, à profiter du grand air, que d'un seul coup, qui sait-il pas qui vient s'asseoir à côté de moi? Un jeune branleur boutonneux qui se met à rouler. Il tirait sur son machin comme un vieux sur sa sonde. Alors, il plane le trou de cul? Oh, le déchire, ma bœuf. Est tellement fort, j'ai l'impression que t'es à poil, mec. Ah ouais, putain, ça a l'air méchant, ton truc. T'as déjà essayé le schnapps? Le quoi? Le schnapps, c'est un truc d'assassin yougoslave. Waouh, trop de la balle. T'en as avec toi? Toujours, quelle question. Je peux goûter? Pas de soucis. Tiens, hé, mâche bien, hein, c'est du bon. Ça arrache. Waouh, ça me fait des trous dans la gorge. Est-ce que tu vois des trucs bizarres ou pas? Oh ouais, j'ai l'impression de voir des films érotiques allemands. Oh putain, j'ai l'impression qu'une grosse femme blonde avec des couettes est assise sur mon visage. Tu planes, mon fumier, hein? Oh, je crois que je suis en train de perdre mon anus. Classique. Oh, j'ai envie de faire des études supérieures. Oh là! Oh, il me fait un mauvais triple, coco. Vite, vite, vite! Penche-toi en avant pour vomir! Non, non, non. Je vais m'inscrire en prépa HEC. Après, je vais faire un MBA technique de marketing dans le Massachusetts. Merde, je suis en train de le perdre. Police! Police, bordel! Ah, mon Jojo, les flics sont arrivés, hein. Juste à temps! Il l'a emmené à l'hôpital, lui a fait un lavage d'estomac au petit. J'ai les jetons, moi. Parti comme il était, il avait son bac avec mention, le con! Oh, c'est des soucis, les enfants, hein. Je ne saurais que trop vous recommander les pratiques salutaires de nos amis de la braguette arrière. Ça pique les yeux, mais on tombe pas enceinte. Allez, au revoir, Zen.